Si vous allez à Jérusalem, écoutez les vieilles pierres. Elles vous raconteront l'histoire de Salomon, le fils du roi David. À la mort de son père, Dieu lui accorda le pouvoir de distinguer ce qui est de l'ordre du bien et ce qui est de l'ordre du mal, afin qu'il puisse régner au milieu de son peuple le plus longtemps et le mieux possible. La première œuvre de Salomon fut de construire le temple de Jérusalem. Il y installa l'Arche d'Alliance, qui contenait les tables de pierre sur lesquelles était gravée la loi que Dieu avait remise à Moïse il y a de ça bien longtemps. Si vous allez à Jérusalem, écoutez les vieilles pierres. Elles vous parleront de la sagesse du roi Salomon qui encore aujourd'hui force l'admiration. On amena deux femmes devant le roi Salomon. L'une d'elles portait un enfant mort dans ses bras. C'était bien triste à voir. La seconde femme, elle, portait un bébé bien vivant, celui-là. La première prit la parole. « Ô mon roi, j'ai mis au monde un joli bébé, mais voilà que ma voisine, elle aussi, vient d'avoir un bébé. Le pauvre enfant n'a vécu que 3 jours. Aussi, elle est venue la nuit dernière me voler le mien en cachette. « C'est faux !» répondit l'autre. « Celui qu'elle tient, celui qui est mort, est bien le sien. C'est une menteuse !» Salomon, ennuyé, se mit à réfléchir et appelait Dieu à son secours. Où se trouvait le bien? Où se trouvait le mal? Il réclama alors une épée, demanda que l'on dépose le petit bébé à ses pieds et prit la parole. « Puisque vous ne pouvez vous mettre d'accord, je vais vous donner à chacune la moitié de cet enfant que vous réclamez. » « Oui, qu'on le partage en deux !» cria l'une des femmes. « Non, par pitié !» s'écria l'autre. « Épargnez mon enfant, prenez plutôt ma vie. » Et elle se jeta, en pleurant, devant le trône du roi qui rabaissa lentement son épée. Salomon avait compris. Celle qui était à ses pieds, c'était bien la vraie maman du nourrisson. Et il lui donna l'enfant. Le jugement de Salomon était aussi le jugement de Dieu. Le bien avait vaincu le mal. Si vous allez à Jérusalem, écoutez les vieilles pierres. Elles vous diront comment ce roi si bon et si sage est tombé dans les griffes de la reine de Saba. Elle était riche et puissante, et ce qui devait arriver, arriva. À force de cadeaux, de séductions diverses, la jolie reine réussit à charmer Salomon. Celui-ci en perdit même ses bonnes résolutions et devint un jouet entre les mains de cette femme aventurière. Il se détourna de Dieu, oublia peu à peu ses conseils, ne fit plus la différence entre le bien et le mal et alla jusqu'à faire construire un temple dédié aux multiples idoles que la reine de Saba adorait. Sacrilège. L'orgueil, l'argent, la vie facile envahirent le royaume d'Israël. À la mort du roi Salomon, guerre, rébellion, crise économique, maladie, sécheresse ravagèrent le pays. Ainsi s'acheva bien tristement l'histoire de ce roi qui n'a pas su jusqu'au bout faire confiance à Dieu qui l'aidait à distinguer ce qui était le bien et ce qui était le mal. Si vous allez à Jérusalem, écoutez les vieilles pierres, celles que l'on trouve sur les ruines du temple de Salomon et qui forment ce que l'on appelle là-bas le mur des lamentations.